ta science, yani, tu n'oublies pas ta science. وكذلك من الأمور المهمة تمام في العلم وعند مجالس العلم الصبر على التحمل de patienter yani lorsque tu étudies car l'acquisition de la science tamam ça demande une grande patience bien encore même bien encore yani l'étudiant en science religieuse à talib al-ilm ne peut atteindre le degré de l'imam qu'après avoir fait preuve de patience et de certitude. قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Il est dit dans ce verset, et nous avons désigné pour eux des imams qui guident par nos ordres après qu'ils eurent patienté et croyaient fermement à nos versets. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. C'est par la science et par la patience et la certitude que s'acquiert Naram al-Imama al-Din. Donc, il y a al-Ilm, il y a la sabre. Al-Ilm, il y a la sabre. Wa qad qala Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Inna Allah subhanahu wa ta'ala rafiqun, yuhibbu al-rifq fi kulli shay. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est doux et aime la douceur dans toutes les choses. Et aime la douceur dans toutes les choses. Certes, l'apprentissage et de la science est une chose. Donc, quelle est cette douceur qui s'apporte à cette science? Quelle est cette douceur-là? Cette douceur-là, c'est que tu prennes al-masa'il, les sujets. C'est que tu prennes les cours petit à petit. Que tu avances un pas après l'autre. Que tu fasses patience dans l'étude de la science. Jusqu'à ce que vienne l'heure où tu seras, comment ça s'appelle, enterré. Kan yaqul ba'd salaf, man ramma al-'ilm jumla, dhahaba 'anhu jumla. Wa innama yatlabu al-'ilm 'ala marr al-ayyam wa al-layali. Certains salafs disent, celui qui pense acquérir la science en un moment, en un seul moment, la science lui passera sous le nez en un seul instant. Mais l'apprentissage de la science se fait de jour à jour. L'apprentissage de la science se fait de jour à jour, en patientant. Tamam, un cours après l'autre. Wa kadhalika, parmi les adab qui se doit d'être observé dans les majalis, c'est d'être attentif. Ça, c'est min al-muhimmat. Être attentif au cours. C'est une chose qui va te permettre yani d'acquérir la science, d'être attentif. Tamam. Wa qad thabata yani min hadith Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallam qala fi hajjat al-wada' ansat an-nas. Le prophète sallam dans le hajjat al-wada' a demandé à Jarir que les gens lui prêtent attention à partir du moment où il voulait parler. L'imam al-Bukhari rahimahu ta'ala a édité un chapitre à la suite de ce hadith là. Et dit, ce chapitre est le silence qui doit être observé à l'écoute de l'enseignant. Cela afin que les notions qu'évoque l'enseignant ne te passent pas sur le nez, afin que tu puisses profiter totalement des notions que ton mu'allim te donne. Wa min al-adab kadhalika alladhi la budda min mura'atihi, c'est d'avoir kama qala al-ulama rahabat al-sadr fi masal al-ikhtilaf rahabat al-sadr. Et ça, c'est très important parce que certains cours sont sujets d'irtilaf. Donc, quel est le adab, le comportement que doit avoir le talib face à ces irtilaf? C'est qu'il doit avoir un cœur ouvert face à certaines divergences, pas toutes les divergences. À certaines divergences, il doit avoir un cœur grand ouvert. Parce que ces divergences-là ont des sens, les sens de ces textes. Elle aboutit à une interprétation diverse. L'essence de ces textes aboutit à une interprétation diverse. C'est pour cela qu'il est possible, dans ces genres de sujets, qu'il ait le khilaf. Et sachez qu'il ne fait pas partie de la sunna dans ce genre de message, dans ce genre de sujets où il y a des khilaf, d'avoir de la dureté envers le parti opposé. Il faut qu'il sache ça. Il ne faut pas qu'il ait de la dureté dans les sujets à interprétation diverse, qui est de la dureté avec le parti opposé. Mais se doit de conseiller de manière douce afin de le convaincre de prendre son parti. Mais en aucun cas d'avoir de la dureté parce qu'il ne prend pas ton parti. L'imam Shafi'i, après avoir divergé avec une personne, avec une autre, sur un sujet bien précis, il le prit par la main. Il prit cette personne-là par la main. Et lui dit, « Ya Fulan, n'est-il pas possible ?» Et de préserver notre fraternité, même si jamais on diverge.